Le participe passé de capire est capito. Le participe passé, je le répète, vient après le plongeoir pour former le passé composé. Donc, comment diriez-vous « je n'ai pas compris » ? Non ho capito. Non ho capito, c'est ça. Le verbe dire, par contre, ne suit pas la règle habituelle des verbes en ire. Son participe passé est detto. D-E-T-O. Detto. Detto. Detto. Oui. Et fare donne fatto. F-A-D-T-O. Voilà. Detto et fatto. Que donnerait par exemple je l'ai fait ou mot à mot le j'ai fait? Lo ho fatto. Vous avez bien suivi la traduction littérale, mais il faut savoir une chose, c'est qu'il faut faire une contraction ici, parce que ces deux O à la suite l'un de l'autre ne sont pas très faciles à dire. Donc, lo ho se contracte en lo. L'ho fatto. L'ho fatto, voilà. Et le contraire, je ne l'ai pas fait, comment dit-on ça? Non l'ho fatto. Non l'ho fatto. Dites-moi maintenant, il me l'a dit. Ah. Il me l'a dit. Mais l'ho? Oui. Melo a dit. Melo a detto. Melo a detto. Oui. Et traduisez maintenant, pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Perché non me lo ha detto? Perché non me lo ha detto? Comment diriez-vous je l'ai attendu? Attendu avec un U? Parce que c'est un homme que j'ai attendu. L'ho aspettato. L'ho aspettato. L'ho aspettato. Maintenant, comment diriez-vous pourquoi ne m'avez-vous pas attendu? Perché non mi ha aspettato? Oui, perché non mi ha aspettato? Et je lui ai dit de m'attendre en parlant d'un homme. L'ai detto. L'ai indique qu'on parle d'une femme, alors que lui, au sens de à lui, se dit. C'est presque le même mot qu'en français. Ah oui, gli. Gli ho detto. Gli ho detto. Gli ho detto de m'attendre. Di aspettarmi. Voilà. Gli ho detto di aspettarmi. Jusqu'ici, nous avons vu qu'on plonge dans le passé avec le plongeoir avere et un autre verbe comme mangiato, detto, fatto. Mais en fait, on plonge aussi dans le passé avec un autre plongeoir, le plongeoir être, essere. On emploie ces deux plongeoirs plus ou moins dans les mêmes constructions qu'en français. On dit par exemple « je suis allé »« sono andato »« je suis resté »« sono restato » Et si je vous dis que « nous sommes » se dit « siamo » comment traduirez-vous « nous sommes arrivés » ?« Siamo arrivato » Arrivati. Arrivati? Oui, siamo arrivati. Parce que c'est un pluriel. Il y a plusieurs personnes. Le i représente le masculin pluriel. Nous sommes arrivés. ES. Pensez au i de libri, livre, avec un S. Si le nous représentait plusieurs femmes, vous diriez « siamo arrivate » avec un « e » qui représente le féminin pluriel. Nous sommes arrivés, E-E-S. Nous avions déjà vu ce « et » dans « due volte », deux fois. « Arrivato », que vous avez dit d'abord, se termine par un « o », qui est la marque du masculin singulier, c'est-à-dire qu'il n'y aurait dans ce cas qu'un homme seul qui dirait « sono arrivato », « je suis arrivé », et ». Vous voyez donc que quand on emploie le verbe « être »,« essere », pour former le passé avec plongeoir, l'accord du participe passé est strictement parallèle en français et en italien. Alors, pour dire « je suis parti », si c'est un homme qui parle, sono partito. Je vous rappelle que les verbes en ire ont un participe passé en ito. Sono partito. Sono partito. Et si c'est une femme qui parle, comment dira-t-elle je suis parti? Sono partita. Voilà, c'est ça. Après le verbe être, le participe passé s'accorde. Ici, c'est un féminin, alors c'est sono partita. Et toujours selon le même principe, elle est partie. Est partita. Oui, c'est ça. Maria, par exemple, est partita.